Désespérés, ils se sont emparés d'une valise, ayant entassé quelques photos, quelques papiers sur un linge froissé. Ils sont partis, la gorge serrée, la boule au ventre. Embarqués, ils ont pleuré le pays tout entier de cette France, criant « Tu m'as quitté ». Au bout du quai, sur le port attendait le bateau blanc. Quelle triste destinée pour un Français pied noir d'Algérie. Pour un soldat qu'on dénommait Argui, ils sont partis, la valise à la main, quittant la France pour celle de demain. La mer remontait, emportait avec elle les larmes qui coulaient de ces Français incompris, boutés d'un paradis. Mon Algérie, je n'ai gardé de toi que souvenirs des quartiers d'autrefois. Suis aujourd'hui, cette force reste en moi. Rappelle-toi de mon passé là-bas. À l'arrivée, le quai les attendait, sous les huées, les cris des Français. Toulon, Cayenne n'était rien à côté des repliés d'Algérie bafouée. Dans le pays, certains avaient laissé frères, mères et pères. Adieu à tout jamais. Quand il fallut penser à les loger, c'est ce moment où ils furent casernés. Leurs frères d'Afrique, hélas, s'en sont allés vers d'autres terres abritées mais parquées. Ces loups de guerre qui, pourtant bien français, ont assuré la victoire à leurs frères. Au détriment de cette parole donnée, ils pleurent encore leurs proches abandonnés. De nos aïeux et de ces étrangers devenus fils de France. Hommage à nos ancêtres dans le noir d'un crépi de notre Algérie française. Un instant, bannissons l'image d'un képi du haut de ce balcon et chantons ensemble l'histoire de notre vie, tête haute et fière, de notre beau pays, l'Algérie.